dernier maghrébin. C'est mon ami et une plateforme. Kader, le dernier maghrébin. C'est un PD bien plus encore. Venu du désert pour niquer ta grand-mère. Il a trop la dalle pendant le ramadan. Kader, le dernier maghrébin. Il parle avec une voix de stentor. Kader, le dernier maghrébin. J'avoue, il est un peu confus. Les peurs. Partout où nous allons, les gens sont sidérés de se trouver nez à nez avec un salico. Que ce soit en garde à vue ou dans un transformateur. Il met dans notre vie plein de petites odeurs. Kader, le dernier maghrébin. C'est mon ami et il vous fait peur. Kader, le dernier maghrébin. Faut pas le même détruire sinon. T'es mort. Ah, PD. Quant à Jean-Marie Le Pen, il dit pas que des conneries. Jean-Marie Le Pen, Pen, Pen, Pen.